بسم الله الرحمن الرحيم. الدعوة السلفية تقدم لكم فتح العلامة في دراسة أحاديث بلوغ المرام. خبير كومنتي بار أبو تيمية خليل المقتنكي حفظه الله تعالى. 47 لسون. إن الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى أهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتابه بلوغ المرام في كتاب الطهارة باب آداب قضاء الحاجة، فقال في الحديث 98: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: استنزهوا من البول فإن عامة عذاب القبر منه. رواه الدارقطني. وفي الحديث 99 وللحاكم قال: أكثر عذاب القبر من البول، وهو صحيح الإسناد. Donc il dit, selon Abu Huraira رضي الله عنه, que le message d'Allah صلى الله عليه وسلم a dit: purifiez-vous de l'urine, car la plupart du châtiment de la tombe provient de l'urine. Préfiez-vous, préservez-vous de l'urine. Apporté par Dar al-Qutni. Le hadith, il est daif. Et le 99e, c'est Walil Hakim, que là, le plus du razab, le plus à point du châtiment de la tombe, provient de l'urine. On va dire la plupart. Et qu'il est que le Hakim lui l'a jugé comme étant avec une chaîne de narration authentique, et le hadith il est sahih bishawahidi, qui a d'autres hadiths ayant le même sens, comme par exemple le fameux hadith de Anas Mutafakun Ali qui va être cité là dans le chapitre. Sahih bishawahidi. Non, sahih bishawahidi, c'est-à-dire sahih, c'est-à-dire les deux hadiths là ils sont faibles, mais le sens il est authentique. Yani que dit, quant au fait de dire que la plupart du châtiment de la tombe vient de là, ça je ne veux pas dire, mais que l'urine est une cause du châtiment de la tombe, non, ça c'est thabit. Comme ça va venir, inshallah. Donc il dit, al-masa'il wa al-ahkam al-mustafadatu min al-hadith. Donc ce hadith a été pris comme preuve pour démontrer l'obligation de se préserver, de se purifier de l'urine. Comme cela est venu dans le hadith, dans les Sahihain, ah c'est pas Anas, c'est Ibn Abbas, c'est pas Anas, il est confondu. Anna al-Nabiya sallallahu alayhi wa sallam marra bi kabrayn fa qala innahuma yu'azzabani, wa fil hadith inna ahadahuma kana la yastatir min bawlihi, wa fi riwaya la yastanzihu min bawlihi. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam est passé auprès de deux tombes, il dit certes ils se font châtier, que l'un des deux ne se préserve pas de son urine, ou ne se purifie pas de son urine. Dans une version, la liste est similaire en arabe. Et l'autre, c'était pourquoi qu'ils étaient châtiés ? Dans le hadith. Innahu kana yamshi bil namima. Il faisait de la calomnie. Taïb. Le hadith, c'est le muttafaq alayh. Donc, le jumhur de al-ilm, par des savants, ils voient que ce hadith démontre l'obligation de l'istinja, du nettoyage après avoir fait les besoins, que ce soit devant ou derrière. Et des gens comme Abu Hanifa et d'autres voient, et soi-disant, une version selon Malik, qui voit que ce n'est pas obligatoire. Et il fut rapporté de Ibn Sirin qu'il ait dit: في من صلى بقوم ولم يستنجي أنه قال لا أعلم به بأسا. Qu'il a dit que celui qui n'a pas fait l'istinja et qui a présidé la salat, c'était lui l'imam, je ne vois pas de mal. Attendez, mais après cette parole-là, l'interpréter sûrement qu'il l'a dite pour ceux qui n'ont pas besoin de faire les sujets, c'est-à-dire quelqu'un qui a perdu l'eau, mais pas autre que par les besoins. Par exemple, qui a pété, par exemple, ou qui a dormi, fahimt, lui, il n'a pas besoin de faire les sujets. Les sujets, c'est pour celui qui était aux toilettes. Demain, quelqu'un, il a dormi, par exemple, il se réveille, il fait l'eau, il n'a pas été aux toilettes, il n'a pas besoin de faire les sujets, lui. Alors, il fait l'eau normal. Celui qui est aux toilettes, qu'il fasse salat ou pas, il faut qu'il fasse les sujets. Parce que s'il ne le fait pas maintenant, il va le faire quand? Et il va oublier. En plus, c'est pas propre. Tu vois, c'est pas propre du tout. Donc l'istijia, tu le fais après avoir fini tes besoins. Naam. Et ils ont dit, donc ça c'est pour une personne qui n'aurait pas perdu l'eau par les raisons des besoins, ou quelqu'un par exemple qui aurait oublié. Vous voyez. Quant à Abu Hanifa et les autres, ils ont pris le hadith d'Abu Huraira qu'on a pris la dernière fois. وَمَنْ إِسْتَنْجْمَرَ فَلْيُوْتِيرَ فَمَنْ فَعَلَ فَقَدْ أَحْسَنُ وَمَنْ لَا فَلَا حَرَجْ. Rappel, on avait dit, celui qui se nettoie avec des pierres, alors qu'il le fasse de façon de nombre impair, celui qui le fait a bien agi, celui qui ne l'a pas fait, alors nul grief sur lui. On avait dit que ce hadith, il était daif. Et d'autres ulama, combien même ce hadith il serait authentique, son col, fara haraj, nul greffe sur lui, ce serait pour celui qui n'aurait pas fait de nombre impair, et non pas celui qui ne l'a pas fait du tout. Ils ont dit, taïb, monsieur le hadith, on dit que voilà, la fara haraj alayhi, c'est celui qui n'aurait pas fait de nombre impair. Non, et non pas celui qui ne l'a pas fait du tout. Il y a d'autres hadiths démontrent qu'il faut le faire. Donc, le jugement, c'est que l'istinja est wajib. D'accord? Et l'urine, le fait de ne pas se nettoyer est une cause pour subir le châtiment de la tombe. Wallahi a'udhu billah. Nas'alallahu yahfazana wa iyyakum minha. Donc malgré le khilaf, les hadiths qui sont venus démontrent tous l'obligation. Et on n'a pas eu de choses qui le sortent de ce côté obligatoire pour dire que c'est mustahab. Il n'y a pas de sarif. Taïb. Thumma qala fi al-hadith al-mi'a. Wa an Suraqa ibn Malik رضي الله عنه قال علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخلاء أن نقعد على اليسرى وننصب اليمنى رواه البيهقي بسند ضعيف وفي الحديث الواحد بعد مية وعن عيسى ابن يزداد عن أبيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بال أحدكم فلينتر ذكره ثلاث مرات رواه ابن ماجه بسند ضعيف. Donc le centième hadith rapporté par Abu Suraka ibn Malik, Abu Suraka ibn Malik, qui dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné aux toilettes, on fait les besoins, de nous asseoir, nous appuyer sur la jambe droite et de dresser la jambe gauche. Comme dans la salat, quand c'était shahoud. Le hadith est rapporté par Bayhaqi avec une génération qui est faible. Et selon le centième hadith, selon Isa ibn Yazdad, selon son père, qu'il est dit que le message d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit que si l'un d'entre vous vient uriner, alors qu'il, je sais pas si on dirait pressé au secou, son pénis trois fois. Apporté par Abdou Mahadja et les Daif également. Taïe. Mas'ala. Kayfiyatul junusi li qada'i al-haja. Comment s'asseoir pour accomplir les besoins? Ce hadith cité par Suraka, il est faible. Donc, il n'y a pas de jugement quand tu as la façon de t'asseoir. Tu le fais comme tu peux. Le plus important, c'est que tu t'assoies de sorte à ce que le najasa ne te touche pas. D'accord? Que la position que tu prends n'amène pas à ce que tu sois souillé par les najasa. Sinon, il n'y a pas de façon particulière lors de l'accomplissement des besoins. Après, il dit, hukm, nas'ala hukm, natr al-zakar. Le fait de secouer ou presser le pénis après avoir uriné. Certains ulama, parmi eux Shafi'iyya ou Al-Hanabila, et autres, voient que cela est mustahab. Après avoir uriné. En prenant comme preuve ce hadith. Mais il était dit que ce hadith, il est faible. Donc cela n'est ni mustahab, ni même légiféré. Et ici, c'est une parole de Cheikh al-Islam Taymiyyah, dans Majmou al-Fatawa. volume 21, page 106, pour lui, celui qui veut revoir, parce que j'ai vrai qu'à chaque fois, je ne dis pas forcément les références, car à la base, le but n'est pas de se référencer forcément à la référence que je donne, mais surtout déjà au livre de Fatal Alem, et après, de là, il a les références, et il va les voir. Donc lui, il voit que c'est une bid'a, chez l'islam, de secouer ou de presser son pénis après avoir uriné. Cela n'est ni légiféré, ainsi de suite. Et tout ce qui est venu dans le sujet est faible, qui ne cela n'a aucune origine. Et que l'urine sort d'elle-même à la base. Ce n'est pas la peine de faire cela. L'urine d'elle-même elle sort. Donc voilà le prononcé sur Kalem. Et c'était une part de d'Ibn Qayyim, rahimahullah ta'ala, dans Zad al-Ma'ad, et de Shir al-Uthaymin, dans son Shir de Mumti', où tous les deux disent qu'en fait ça c'est une porte aux wasawis, aux insufflations. De croire qu'à chaque fois, t'as une goutte qui va sortir, ou que c'est pas bien parti, tout ça, c'est pas bien nettoyé, c'est des wasawis. Donc il dit, il n'y a pas à le faire. Tu urines, d'accord? Tu prends ton récipient, ton pichet ou quoi, tu te nettoies, c'est fini, tu t'en vas. Il n'y a rien de plus à faire. À part celui qui aura, comme on l'a dit, une continence urinaire. Ça, c'est autre chose. C'est un cas à part. Sinon, là-bas, c'est que tu n'as pas besoin de le faire. Taïm. Donc ça, c'était le khulasa de la mas'ala, parce que les deux hadiths sont faibles. Et pour finir le chapitre, il dit, rahimahullah ta'ala, al-hadith al-thani wal-miya, ou bad al-miya, وعن ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل أهل الكباء فقال إن الله يثني عليكم قالوا إنا نتبع الحجارة الماء راه البزار بسند ضعيف وأصله في أبي داود والترمذي وصححه ابن خزيمة من حديث أبي هريرة بدون ذكر الحجارة donc selon le hadith par le bazar celui-là il est faible même ضعيف جدا واللفظ الذي وموجود عند ابي داوود والترمذي عن ابي هريره هو صحيح بشواهد donc il dit selon Ibn Abbas que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a interrogé les gens de Quba et leur a dit certes Allah fait votre éloge et ils disent nous faisions suivre l'eau après les pierres, c'est-à-dire quand ils se nettoyaient ils faisaient les pierres et ensuite l'eau, ils utilisaient les deux. Donc le hadith était rapporté par le bazar avec une génération qui est faible. Et son origine de ce hadith, Isha Abu Dawud et Tirmidhi, authentifié par Ibn Khuzayma, de hadith de Abu Huraira, sans le terme des pierres. Nous faisions suivre de l'eau. Ou nous utilisons l'eau. Je ne sais pas c'est quoi le... Je sais pas le... Il ne l'a pas cité. Même le Bani voit le même jugement sur le hadith. Ah, et bon, en fait, c'est qu'ils n'utilisaient que l'eau. Non. Ils n'utilisaient que l'eau. Tayyib. Donc, il dit Al-Wasa'ilu wal-Ahkamu al-Mustafaratun al-Hadithi. Mas'alatun al-Jam'u bayna al-Hijarati wal-Ma'i. Wa idha iqtasara ala ahadihima fa ayyuhuma afdalu. Donc le fait de lier entre eux, de joindre entre eux les pierres et l'eau, si on se contente de l'un des deux, lequel des deux est meilleur, les pierres ou l'eau. Il cite une parole d'Ibn Mulaqqin dans son charh de l'Umda. Il dit que la plupart des salafs et des khalafs, sur quoi même ce sont réunis les imams de la fatwa, dans le monde, c'est que la meilleure façon est de joindre entre l'eau et les pierres. Donc c'est-à-dire qu'ils utilisent les pierres en premier, puis ils n'utilisent que l'eau. Parce que la pierre vient pour minimiser la najasa, d'accord? Il enlève le gros avec la pierre, et il enlève les traces avec l'eau en fait. Pour éviter que sa main ait trop de contact avec la najasa. Ça, c'est la parole de Mumlaqin. Après, Shir, il dit, Kolto, Amma al-jam'u bayna al-ma'i wal-hijarati, fala yasah fihi dalilun. Le fait de joindre l'eau et les pierres, il n'y a aucune preuve à l'appui. Ici, elle parle de Cheikh Al-Albani, dans Tamam al-Minna. Il dit, والجامع بين الحجارة والماء لا يصح عنه صلى الله عليه وسلم وأخشى أن يكون القول بالجمع من الغلو في الدين لأن هدية الاكتفاء بأحدهما وخير الهادي هادي محمد صلى الله عليه وسلم وشار الأمور محدثاتها. En page 65. Donc il dit le fait de lier entre l'eau et les pierres, cela n'est rien d'authentique au montant prophète sallallahu alayhi wa sallam, et je crains que cela ne soit de l'exagération en religion. Car la guidée, ce qu'on nous a appris, c'est de nous contenter de l'un des deux. Et la meilleure des guidées, celle de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et la pire des choses, sont les choses nouvelles en religion. Après, il rapporte une part de Cheikh Mokbel, rahimahullah ta'ala, dans l'un de ses durous, où il dit qu'il n'y a rien qui affirme le fait de lier entre les pierres et l'eau. Et il fut questionné, هل يصل الجمع بين الحجارة والماء إلى حد البدعة؟ Est-ce que le fait de lier entre les deux cela amène au niveau de la bid'a, c'est une innovation? Il a dit, لا يصل. Ça n'arrive pas à ce niveau-là. Et après, il a dit pareil comme Cheikh Al-Albani, wa khayl al-hadi hadi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. La meilleure des guidées, celle de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc il a dit, si jamais il se nettoie avec des pierres, cela est valide. Et s'il se contente de l'eau, cela est meilleur et plus propre. D'accord? Cela est meilleur et plus propre. Et si jamais il doit choisir entre les deux, alors il utilise l'eau. Comme on dit, c'est meilleur et plus purifiant. Et que Allah subhanahu wa ta'ala a fait l'éloge des gens de Quba du fait qu'ils se purifient avec l'eau. Kafikoli ta'ala, fihi rijalun yuhibbuna yatatahharu wallahu yuhibbul mutahhirin. Et le verset est descendu par rapport aux gens de Quba. Et ça, c'est des paroles qui sont des Shafi'iyya et des Hanabila. Donc, c'est la plupart de savants qui vont dans le même sens, qui disent que la meilleure chose, c'est l'eau. Et si jamais tu as le choix entre les deux, l'eau est préférable. Quand même, donc là, dans le dirs d'aujourd'hui, on a appris que l'urine est une cause du châtiment de la tombe. Ne pas s'en préserver, donc c'est obligatoire de faire les sinjas. Car si jamais, pour l'urine, qui est, on va dire, de moindre, l'urine est plus légère, on va dire, que les excréments, alors que dire du reste? Que dire du reste? Donc le sinja est obligatoire. Pour celui qui est au hammam, qui fait ses besoins, il y a stanji, se nettoie. De façon légiférée. On a appris qu'il n'y a pas de position particulière pour accomplir les besoins. Le plus important, c'est que la najasa ne revienne pas sur toi. Également, on a appris qu'il y a, ce n'est pas de la sunna que de se secouer ou presser son pénis après avoir uriné trois fois. Ni deux fois, ni une fois, ni rien du tout. Il n'y a pas de dalil là-dessus. Et après, on a appris que le fait d'utiliser l'eau et les pierres n'est pas de la sunna, il n'y a pas de dalil. C'est ou l'un ou l'autre. D'accord? Ou l'un ou l'autre. Et que le meilleur des deux, c'est lequel? C'est l'eau. Non. Fahada. Donc là, on a fini le bab de Qad al-Haja, Adab Qad al-Haja, et demain, on fera juste les masa'il qu'il a rajouté. Quelques masa'il pour conclure le chapitre, Inch'Allah. Ils n'ont pas d'ahadith, mais c'est lui qui a dit d'autres masa'il qui sont liés à l'attitude à adopter lors de l'accomplissement des besoins. Fahada. Fahila huna, walhamdulillahi rabbil alameen.